trop de soleil. Métronome de l'activité humaine. Nos ancêtres y voyaient le citadin d'éternel. Un principe de vie pour une conduite de scène. Attentif à la cause du soleil. Métronome de l'activité humaine. Nos ancêtres y voyaient le citadin d'éternel. Un principe de vie pour une conduite de scène. Pour lui rendre hommage, lui graver, avec moi comme leur père. Soit placé au centre d'un cercle sacré, image de l'antique au soleil. De la baronne de Constantin, nos guerres sont pâles. Des boucliers aux rosaces, des cathédrales, la croix cerclée, omniprésente, que du sacrifice de traditions différentes. Points cardinaux, les saisons, ces branches précises, les principales orientations, leur intersection, les vingt-quatre, le point précis, le centre d'un monde indéfini. La croix prédite, aujourd'hui n'est pas. Jeunesse radicale qui a dédié sa vie au combat. Au-delà des clivages, des différents, où elle reste un pire en signe de ralliement. C'est mystique, c'est peu à peu manger. Dans les rues, les prisons, oui, la clandestinité. Sa mode de résistance, oui, de sédition. Nous l'avons servant sur nos panneaux. Sa mode de résistance, oui, de sédition. Nous la ferons diamant sur nos Est-ce que vous êtes décidé à être les gardiens de l'ordre de demain ? C'est l'heure, voici un peu de passion sur des temps.